Le haron sort de Charles Cros, lu par Gaïa pour curiosité.net. Il était un grand mur blanc, nu. Contre le mur, une échelle haute. Et par terre, un haron sort sec. Il vient tenant dans ses mains sale. Un marteau lourd, un grand clou pointu. Un peloton de ficelles gros. Alors il monte à l'échelle haute. Il plante le clou pointu toc. Tout en haut du grand mur nu. Il laisse aller le marteau qui tombe. Attache au clou la ficelle longue. Et au bout, le hareng sort sec. Il redescend de l'échelle haute. L'emporte avec le marteau lourd. Et puis il s'en va ailleurs, loin. Et depuis, le hareng sort sec. Au bout de cette ficelle longue. Très lentement se balance toujours. J'ai composé cette histoire simple. Pour mettre en fureur les gens grave. Et amuser les enfants.